Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 99. Du sacrilège. Définition du sacrilège. Il est un péché spécial, dont les espèces se distinguent d'après la sainteté des choses sacrées. Punition qu'il convient d'infliger à ceux qui s'en rendent coupables. 1. Le sacrilège est-il la violation d'une chose sacrée? Le mot sacrilège, dit saint Isidore, vient de sacra légère, dérober les choses sacrées. On appelle choses sacrées celles qui, dédiées au culte de Dieu, sont devenues comme un objet divin auquel on doit du respect à cause de Dieu même. Toute irrévérence envers elle fait injure à Dieu et présente l'idée de sacrilège. Cette irrévérence peut recevoir le nom de violation ou de profanation, parce que celui qui s'en rend coupable viole et profane, autant qu'il est en son pouvoir, les choses saintes, bien qu'il ne les rende pas profanes en elles-mêmes. 2. Le sacrilège est-il un péché spécial? Le sacrilège, qui, comme on vient de le voir, est la violation d'une chose sacrée, est contraire à la vertu de religion, dont l'objet est de révérer Dieu et les choses divines, il est conséquemment un péché spécial. Note. De même que, quand la pourpre est devenue un manteau royal, celui qui la perce d'un poignard est coupable envers le roi, de même, celui qui profane les choses sacrées commet un acte d'irréligion qui outrage Dieu même. Fin de la note. 3. Les espèces du sacrilège se prennent-elles de la diversité des choses sacrées? Les espèces du sacrilège se distinguent d'après les différents degrés de la sainteté dans les choses sacrées. Ce péché est d'autant plus grave qu'elles sont plus saintes. Or on attribue la sainteté aux personnes sacrées, aux lieux sacrés et aux choses sacrées. Le sacrilège commis contre une personne sacrée est un plus grand péché que la profanation d'un lieu saint. Mais ces deux espèces de péchés renferment des degrés divers, suivant la différence des personnes et des lieux saints. Pour ce qui est des choses sacrées, les sacrements se placent au premier rang, et, parmi les sacrements, l'Eucharistie, qui contient le Christ lui-même, dès lors, le plus grand sacrilège est celui qui profane le sacrement de l'autel. Après les sacrements viennent d'abord les vases sacrés, ensuite les images et les reliques, puis enfin les meubles ou immeubles dédiés à l'entretien des ministres. 4. Doit-on punir les sacrilèges d'une peine pécuniaire? La peine la plus naturelle de l'homme sacrilège, c'est l'excommunication, qui le prive des choses saintes. Les lois humaines décernent contre lui la peine de mort. L'Église, qui a horreur du sang, le soumet seulement à une amende pécuniaire, pour détourner les autres de ce crime. Note. Cette peine pécuniaire fut en usage autrefois. Les princes séculiers reconnaissaient ce droit à l'Église. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.